Alors ce matin, dans cette église, à la messe de 10h30, j'ai eu la joie de baptiser une jolie petite fille de 5 ou 6 ans, 5 ans je crois. Donc, elle s'appelait Émilie. Donc, et je lui ai parlé un petit peu avec les gens qui étaient là ce matin. Et entre autres, on a parlé de cet évangile qui vient d'être dit, cette promesse que Jésus fait. Ce texte est l'extrait d'un discours que Jésus a fait juste avant de mourir, juste avant de donner sa vie sur la croix. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé les paroles qu'on vient d'entendre. Il dit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Nous viendrons chez lui. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on reçoit le baptême. Le baptême qu'on a reçu pour plusieurs d'entre nous lorsqu'on était petit vient disposer la demeure de Dieu et vient établir la présence de Jésus. Dans la foi chrétienne, on croit en Dieu évidemment, comme beaucoup d'autres religions, mais Dieu n'est pas juste un Dieu loin. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'était manifesté comme un Dieu proche de son peuple, c'est-à-dire un proche au sens que si le peuple est dans le pétrin, bien, il va venir à sa rescousse, il va le sauver. Et Dieu avait entre autres fait le don de ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'arche, l'arche de l'Alliance, qui était une œuvre d'art en bois avec des séraphins sculptés et au-dessus, la nuée du Seigneur qui se tenait là, signe de la présence de Dieu. Et le peuple, sachant qu'ils avaient l'arche avec Dieu, se sentait fort et invincible. Et quelquefois, ils amenaient l'arche au combat, puis ils se disaient, si le Seigneur est avec nous, il n'y en a pas de problème. Avec Jésus arrive une nouvelle étape. Avec Jésus, Dieu est plus juste présent à ce lieu, à cette arche, mais il est présent lui-même. Dieu s'est fait homme, il a habité parmi nous. Il y a un pas de plus dans la proximité de Dieu avec la présence de Jésus il y a 2000 ans. Mais ça ne suffit pas. C'est super pour ceux qui ont vécu proche il y a 2000 ans. Mais Dieu, Jésus, ça fait bien qu'il allait retourner vers le Père. Retournant vers le Père, il a l'air d'avoir pris goût à l'humanité. Et il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de rester. Et il a dit, oui, je retourne vers mon Père. Mais celui qui m'aime et qui reste fidèle à ma parole, mon Père et moi viendrons faire en lui notre demeure. Un pas de plus, donc, dans la proximité. Au début, Dieu intervient en notre faveur, c'est déjà super, un signe de sa proximité. Autre pas, Jésus vient marcher parmi nous, je peux être face à face avec lui, super. Il peut me toucher. Mais sommet de la proximité, pouc, il peut venir en moi, habiter en moi. Dans cette pauvre chair pécheresse, il veut venir habiter dans ma pauvre crèche comme il est venu dans la pauvre étable à Bethléem. Il n'a pas peur de salir en venant chez moi? Eh bien non, parce qu'il est la lumière du monde. Et la lumière, elle chasse les ténèbres. La lumière éloigne le mal. C'est vraiment une nouvelle géniale que de prendre conscience de cette promesse-là de Jésus. Et encore une fois, lorsque vous avez été baptisés, Dieu a fait sa demeure en vous. Et quand il vient, il apporte des cadeaux. Hein, c'est un invité poli. Je ne sais pas vous si vous allez quelque part. On n'amène pas toujours des cadeaux. Hein, mais il amène des cadeaux au Seigneur. Quel est le premier cadeau que nous fait le Seigneur? Suggestion? L'Esprit Saint, vous avez raison. Hein, non seulement il y a le Père et le Fils qui vient, mais il y a l'Esprit Saint qui vient avec. Le don de Dieu. L'Esprit Saint, c'est génial, parce que c'est l'Esprit de résurrection, c'est-à-dire c'est l'Esprit de transformation, c'est l'Esprit de relèvement. Et saint Paul dira, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera aussi la vie à vos corps mortels. » Donc, si vous êtes dans une période où ouf, ça ne va pas bien, là, c'est dur, etc., pas de panique. Vous avez reçu et vous avez en vous l'esprit de relèvement. Ça te met à terre tout ça? Pas de panique. Prie donc cet esprit de relèvement que Dieu dépose en toi. Cet esprit de relèvement qui est Dieu et qui veut te relever comme il a relevé Jésus le troisième jour. Donc le premier, le don des dons, c'est bien ça, effectivement. Mais je disais à la petite Émilie ce matin que le Seigneur, en plus, dépose d'autres belles choses dans notre cœur. Vous avez d'autres suggestions? Qu'est-ce qu'il dépose en nous? Alors, j'ai entendu des choses. Pouvez-vous les répéter? Paix, joie, amour. Parfait. Vous avez dit les trois que je cherchais. Vous êtes bon, vous êtes bon. L'Esprit Saint est peut-être là qui vous souffle des choses à l'oreille. Donc, vous savez, dans saint Paul, lorsqu'il parle des fruits de l'Esprit, je crois que c'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, il dit « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix. » Ensuite, il continue « Longanimité, confiance dans les autres, etc. » Il y en a plein d'autres, mais les trois premiers. Le trépied, signe de la présence de Dieu. Joie, charité, paix. Lorsque la Trinité vient, encore une fois, ils amènent des cadeaux. Et le premier cadeau, c'est la joie. Pourquoi? Parce qu'il est présent à nous. Et la présence d'un ami, ça donne la joie. Mais pour ça, il faut être conscient qu'il est là, par exemple. Sinon, je vais être tout triste si je me sens seul. Mais non, tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Pour autant que tu te souviennes de celui qui t'habite, tu n'es pas seul. Sa présence en moi est source de joie. Il apporte aussi la paix, justement, parce que des fois on a plein de combats, plein de tensions, plein de passions, plein d'émotions, mais justement le Sauveur est là, Jésus est là, pas de panique. Le victorieux est en moi. Allez, venez-vous-en, ennemis. Mon Sauveur va régler votre compte. Donc, je peux rester en paix, même si ça bataille extérieurement, ou même si ça bataille intérieurement avec mes émotions. Il faut que je dise au roi des rois qui m'habite, « Hé, oh, prince de la paix, fais quelque chose, là. » Allez, je te donne la permission, vas-y, rétablis la paix. Hein? Parce que vous savez que les rois, ce pourquoi il y avait des royaumes, souvent que les gens acceptaient de se faire diriger par un royaume, c'est que le roi s'engageait à maintenir la paix. Il s'engageait à protéger tous ses sujets. Donc si vous dites « Oui, ô roi, prince de la paix, Jésus, viens en moi », il s'engage à vous défendre. Mais l'Esprit Saint aussi dépose en vous l'amour. Ah, l'amour! Hein, celui qui a fait couler tant d'encre, celui qui a inspiré tant de chanteurs, de poètes, etc., celui qui fait tant souffrir. Vous pouvez ce soir souffrir moins et accueillir en vous celui qui est la source de l'amour. Il peut déposer en vous ce à quoi on aspire le plus. Et non seulement il peut vous combler, mais vous rendre capable de déborder d'amour. Qu'est-ce qu'un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui s'est laissé aimer, puis qui a accepté de déborder. Mère Teresa, elle s'est laissée aimer, puis elle a débordé. Saint Jean-Paul II, il s'est laissé aimer, et il a débordé. On pourrait passer tous les saints comme ça. Et donc vous, ce soir, j'ai un grand souhait, que vous vous laissiez aimer par Dieu durant cette messe et tout au long de la semaine, et puis que le reste de la semaine, vous débordiez d'amour, vous débordiez de joie, et même que vous débordiez de paix pour ceux qui vous rencontreront. Parce qu'une personne pleine de la paix de Dieu, de la présence de Dieu, peut communiquer à d'autres la paix, la joie et l'amour. Quand j'étais plus jeune, il y a de nombreuses années, j'étais au Mexique. Et on est allé en pays de mission, mais en fait, les vraies personnes à convertir, je pense, c'était moi et d'autres. Et je me souviens encore, dans la petite chapelle, il y avait une petite fille, à peu près 10 ans, 11 ans, là. Et je me souviens de l'avoir vue prier. Elle avait tout simplement les yeux fermés et je la sentais habitée de quelqu'un, habitée d'une lumière, au point que je la trouvais belle, puis je l'ai même pris en photo en train de prier. Un peu bizarre, le gars, hein? Mais, je sais pas, je me disais, waouh! Et elle m'a donné le goût, en revenant à Québec, de prier. Moi aussi, de fermer mes yeux, puis de dire, oui, viens m'habiter, Seigneur. Dépose en moi ta lumière, ta joie, ta paix, ton amour dont j'ai tant soif. Je vous invite cette semaine à inviter Jésus, à commencer ce soir. On va l'inviter ensemble. Invitez le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Invitons-le à faire sa demeure. Pas faire du camping, faire sa demeure en moi. Un petit truc pour vous aider à vous en souvenir à chaque jour, je vous suggère le matin, en vous levant, vous pouvez vous regarder. Bonjour Jésus, salut le Père, salut l'Esprit Saint. Je vous souhaite une bonne journée chez moi. C'est concret. Je vous recommande de le faire. Je l'ai fait quelques fois aujourd'hui. Salut. Parce que souvent on dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Comme s'il était super loin. Non, non, non. Saint Augustin, il dit, je te cherchais dehors, je me précipitais sur la beauté de toutes tes créatures, mais tu étais au-dedans de moi. Je te cherchais partout, sauf là où tu étais. Relevez le défi cette semaine. Allez, invitez-le. Puis après, on peut le faire une fois ou l'autre, c'est un peu drôle, puis en même temps, ça nous aide à réaliser, oui, il est là. Puis après ça, on peut se fermer les yeux. On peut s'ouvrir les mains et dire, waouh, oui, habite-moi, irradie-moi, Seigneur. Irradie de ton amour, de ta joie, de ta paix, puis il faut que ça rejaillisse. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Merci de ce grand, grand cadeau, de ta présence en nous. Tu n'es pas seul. Tu veux me le redire ce soir. Oui, je t'invite à nouveau, Seigneur, dépose ta paix en moi. Trinité Sainte, toi Père, Fils, Esprit Saint, illumine tout mon cœur, tout mon être, mon corps, ma vie. Amen.